Chapitre 37e. Pendant que ses amis retournaient chez eux, pleins de mélancolie, Demian ne faisait pas brillante figure chez la princesse. Son nom, jeté par le valet de pied, n'avait paru frapper personne, son visage non plus. Quatre généraux, d'un âge raisonnable, faisaient une partie de préférence. Un cinquième attendait son tour. Le prince, assis dans un fauteuil à roulettes, moins volumineux et plus riche que celui du matin, trônait auprès d'une table spécialement dressée pour lui et couverte de friandises qu'il mangeait lentement, avec une satisfaction visible. Deux vieilles dames jetèrent un regard indifférent sur ce nouveau venu, qui n'était ni titré ni gradé, et la princesse, entourée de gens aimables, militaires pour la plupart, ne parut accorder à la visite du jeune artiste qu'une attention médiocre. Après les premières paroles de politesse, après deux ou trois précautions, elle ne s'occupa plus de lui et partagea tous ses soins entre les vieux généraux et son mari, qui mangeaient des bonbons à en mourir et auxquels elle retira son assiette malgré ses velléités de protestation. Elle lui versa une tasse de thé, s'assura qu'il la buvait convenablement, passa près de la table de jeu, donna un conseil à l'un des joueurs, s'assit un instant entre les deux vieilles dames et retourna son cénacle de jeunes gens. Raben entra alors sans être annoncé, comme un ami de la maison, et le prince salua son apparition par la phrase la plus longue qu'il eût prononcée de la journée. « Ravi de vous voir, comte. Vous vous portez bien. » Après quoi, le vieux perroquet chercha du regard son assiette de bonbons, et ne la trouvant pas, eut recours pour se consoler à une seconde tasse de thé que lui versa le valet de chambre attaché à sa personne, et qui, de la pièce voisine, suivait des yeux tous ses mouvements. Après avoir baisé la main de la princesse, échanger quelques mots avec chacun, Raben s'assit dans une bergère, ni trop près ni trop loin de tout le monde, et s'adonna un examen déguisé, mais attentif, de la personne de Demian. « Il fait bonne figure dans une sotte situation, » pensa le diplomate. « C'est bon signe, et cela parle en sa faveur. Faut-il qu'elle soit mauvaise pour lui faire jouer ce rôle? Après tout, elle espère probablement l'en dédommager bientôt. » Cette pensée inspira au comte Raben le désir de faire connaissance avec l'heureux garçon auquel tant de compensation était réservé, et il se leva pour le rejoindre. Mais la princesse passa devant lui, et elle a tombé dans un grand fauteuil, tout contre la chaise de Demian. « Bien joué !» dirent les yeux de Raben, en réponse au regard de défi malicieux que lui jeta sa belle amie. Puis, il se dirigea vers le prince. C'était un moyen faillible, il le savait, d'empêcher la princesse de s'attarder dans sa conversation avec le jeune artiste. Le nombre de choses auxquelles elle ne croyait pas était presque infini. Mais elle avait une foi aveugle, absolue, dans un fétiche, un porte-bonheur qu'elle devait garder pour elle seule. Ce fétiche était son mari. Jeune fille, la princesse Cléopâtre avait éprouvé des chagrins. L'homme qu'elle avait aimé le premier, celui qu'eût peut-être pris sur elle l'influence irrésistible, n'avait pas seulement daigné voir l'amour qu'il lui avait inspiré. Elle avait mis des années à vaincre assez ses sentiments pour pouvoir lui parler en souriant, comme on se parle dans le monde. Elle avait pris tant d'empire sur elle-même qu'on l'accusait de détester cet homme. Du reste, elle le détestait en effet. Elle avait passé de l'amour à la haine, comme on passe l'eau sur un pont, sans secousse, sans révolte. Assurée d'être dédaignée, elle ne désirait plus qu'une chose, la mort de celui qui l'humiliait ainsi, sans le savoir. C'est dans cette épreuve qu'elle avait puisé son énergie. Elle y avait puisé aussi un grand dédain, un grand mépris pour l'humanité si bête. Puis, elle avait épousé le prince, de 25 ans plus âgé qu'elle, de plusieurs millions plus riche, et sa vie avait changé d'aspect. Tout le bonheur que peut donner le luxe, toute l'indépendance que donne le mépris des hommes, tous les succès qu'apportent un grand nom et une haute position, s'étaient soudain abattus autour d'elle, faisant litière pour son orgueil et ses caprices. Le prince, blessé 18 mois après son mariage, avait fait une effroyable maladie où son intelligence avait sombré. À partir du jour où, guéri, mais rayé du nombre des vivants, il s'était assis sur la terrasse de son palais pour dévorer les friandises qui seules lui procuraient désormais quelques jouissances, la princesse Rhydine avait ressenti une joie féroce en regardant autour d'elle. « Tout m'appartient, tout ce que la vie peut donner, » s'était-elle dit, et en effet, elle avait eu tout ce que la terre produit de plus exquis et de plus rare, tout, excepté l'amour d'un honnête homme. Mais ceci lui importait peu, elle n'y croyait pas. En revanche, elle croyait que son mari, dans l'état où il se trouvait réduit, était la providence visible de sa vie. Par quelle fêlure du crâne cette idée s'était-elle introduite dans le cerveau puissamment organisé de la princesse? Peu importait. Elle y croyait fermement, et c'est pour cela qu'elle était bonne épouse, qu'elle n'avait pas de soin qui ne cédât devant celui de satisfaire à toutes les exigences enfantines de ce vieillard insensé. Elle tenait tant à sa vie qu'elle avait le courage et la patience de résister pendant des heures entières à des fantaisies de gourmandise qui eussent pu compromettre sa précieuse existence. Elle le promenait, l'amusait, l'endormait au son de la musique lointaine tous les soirs, et quittait son salon pour s'informer si son sommeil n'était point troublé. En voyant Rabben s'approcher de son fétiche, la princesse fit un mouvement d'impatience. Elle avait une vague frayeur de ce qu'il pourrait dire et de ce que l'autre pourrait comprendre. C'était là l'épée de Damoclès d'un bonheur sans cela trop insolent. Cette femme, qui ne craignait rien, avait peur d'un réveil dans l'esprit de son mari. Elle savait le comte assez habile pour susciter parfois en lui de fugitifs retours de mémoire ou d'intelligence, et cela lui causait un malaise insurmontable. Ce qu'elle redoutait de ce réveil était une crise qui pouvait finir par la mort, et le prince devait vivre. Pendant qu'elle adressait à Demian quelques paroles insignifiantes sur l'art et la poésie, son regard ne quittait pas la chaise roulante. Tout à coup, elle se leva et fit deux pas vers le prince, interrompant ainsi son entretien. « Mon ami, lui dit-elle avec une grâce enchanteresse, voici M. Marcof, un jeune homme d'un talent très remarquable, une de nos gloires de l'avenir. Sachant combien vous aimez la musique, je l'ai prié de venir vous voir. Je suis certaine que vous m'en serez bon gré, et à lui aussi. » Le prince, mon mari, ajouta-t-elle en se tournant à demi vers Demian, qu'elle enveloppa de son regard magnétique. Puis elle passa lentement devant lui, et les flots de sa robe de soie lourde et chargée de garniture montèrent presque jusqu'aux genoux du jeune homme, retombèrent, et la suivirent à distance, sur le tapis persan aux couleurs douces et effacées. « La musique, dit le prince, j'aime la musique. » Après cet effort, il s'enfonça dans son fauteuil d'un air enchanté. Il avait presque toujours cette apparence satisfaite. Demian, fort embarrassé, ne savait que répondre. Rabben vint à son secours, lui offrit une chaise, en prit une pour lui-même, et sur le champ, le naïf jeune homme crut avoir trouvé un ami. Au bout d'une demi-heure, Rabben se leva, et Demian jugea qu'il était temps de se retirer. Il s'approcha de la princesse, celle-ci le reçut d'un air aimable et indifférent. « Quand voulez-vous, lui dit-elle, que nous fassions un peu de musique ?»« Quand il vous plaira, madame, répondit-il, soudain joyeux. « Le matin, cela vous convient-il ? Sans doute. Demain, non. Après-demain matin, 10 heures, voulez-vous ?» Il s'inclina et sortira aussitôt. « Encore un peu gauche, dit négligemment Rabben, quand le jeune artiste eut disparu. « Mais une assurance fort convenable. Et puis on se corrige de la gaucherie avec le temps et des leçons. « Il est un peu jeune, répliqua la princesse. « Mais la jeunesse est un joli défaut. On s'en corrige aussi avec le temps. » Rabben continua de sourire. Les épigrammes glissaient sur lui. Il en avait tant décoché aux autres que pour lui, elles n'avaient plus de pointes acérées.